Des séries, c'est ciao. La routine, la retourne. Un jour la colombe cessera de se faire bouffer. Toujours cette routine, j'ai pas le permis, j'prends bus. Va dire au rap si ce que je débaisse c'est fils de pute. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse en poche, j'ai même pas un dollar. Tous ces rageux parlent sur moi, je sais j'ai le dos large. On s'accroche à nos rêves, faire durer la réalité. Elle est dure, c'est vrai, mais bon faut relativiser. Cette routine qui me pousse à rapper mon amertume. Si dans ma tête je suis perdu, je ne perdrai pas mes vertus. Vois-tu que mes vertus kiffent sur mon écriture. J'écris au martyr pour que dans ta tête mes écrits durent. Je dis toujours ce que je pense, je reste pas sans commentaire. Je veux pas commentaire pour réussir, je sais comment faire. Face à la routine, il paraît que la roue tourne. C'est pour des broutilles, souvent dans ce monde on s'embrouille. C'est fou ça, ma routine me cause des soucis. C'est pour ça, si je lâche ça sentira le roux. Si la routine fait que sans cesse, je verse mes versets. Dans ce monde pourri, je progresse, je persévère. C'est vers un monde meilleur que je veux m'envoler. La routine, la roue tournera, faut pas s'affoler. Paisiblement j'attends que mon heure sonne, que la roue tourne. La routine me pécho très tôt et là ça me retourne. À cause des coups de tonnerre, ma tête est cabossée. Ils voient notre avenir dans des conteneurs alors qu'on demande qu'à bosser. Mon principal but est d'offrir le plus beau des royaumes à mes princesses. Comme tout homme j'égorgerai les auteurs d'inceste. La fontaine avait ses fables, aujourd'hui s'unir le micro. C'est avec des rimes que j'essaye de tuer le temps et les mythos. Mais qui m'avait prédit un destin sombre, obscur et insalubre. Le jour où je passerai une porte des pieds à l'horizontale, ce sera mon salut. Mais tant que ma tête reste droite et que mon cœur bat, j'affronterai la routine, j'espère juste que celui-ci ne m'écœure pas. Ça fait bientôt un quart de siècle que ma vie tourne en boucle. Toujours sur la route de mon destin, j'évite ce qu'on boucle. Je pense sincèrement que la vie vaut le coup d'être vécue. Surtout quand le mal, la routine sont vaincus. J'affronte ma galère tous les matins dès que mes yeux s'ouvrent. Je ne suis pas à plaindre des femmes, des enfants et des vieux souffres. Alors je ne dis rien, les poings serrés, je reste muet. Viens, je t'attends, toi la routine qui va me tuer. La routine, la roue tourne, oh, sur son cours d'eau. Où certains finissent même avec la corde au cou. C'est au bord du gouffre qui vient nous pousser. Un jour la colombe cessera de se faire bouffer. La routine, la roue tourne, oh, sur son cours d'eau. Où certains finissent même avec la corde au cou. C'est au bord du gouffre qui vient nous pousser. Un jour la colombe cessera de se faire bouffer. La routine, la roue tourne. La routine, la roue tourne. La routine, la roue tourne. La routine, la roue tourne. La routine, la roue tourne.